Unité 2. Activité 9. 1. Le musée Picasso ? Il est à Paris. 2. Gérard Depardieu ? C'est un acteur français. 3. La fête de la musique ? C'est le 21 juin. 4. Je vais bien, merci. 5. Ma ville préférée, c'est Rome. 6. Ce livre, il coûte 10 euros.